إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله mes très chers frères et sœurs. Aujourd'hui, le mercredi ou la nuit du jeudi, le 11 Shawwal 1441 de l'Hégire, correspondant au 3 juin 2020. Aujourd'hui, bi'idhnillah, nous allons parler de Hajjat al-Wada', le pèlerinage d'adieu du prophète, alayhi salatu wassalam. Et j'avais parlé brièvement de ce pèlerinage qui est l'unique que le Nabi alayhi salatu wassalam a fait dans le cadre de l'islam, c'est-à-dire après sa prescription. Et c'est l'unique pèlerinage que le Nabi alayhi salatu wassalam a accompli depuis Al-Madinah. Mais il est rapporté que quand le Nabi alayhi salatu wassalam était à Mecca, il faisait le pèlerinage avant sa prescription, avant qui ne devient obligatoire, un pilier parmi les 5 piliers de l'islam. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là, dans le cadre du pèlerinage, où le Nabi alayhi salatu wassalam rencontrait les tribus et les gens qui venaient également faire le hajj et les appelait à l'islam. Et ça, on l'a vu quand on a parlé de la période mécoise. Sinon, par rapport à ce pèlerinage, les savants ont divergé. Est-ce que le pèlerinage a été prescrit dans cette année et le premier pèlerinage après sa prescription, c'était celui-là que le Nabi alayhi sallam a accompli? Ou est-ce que le pèlerinage a été prescrit 2 ans auparavant et dans les 2 années le Nabi alayhi salatu wassalam n'a pas pu le faire, ou ça a été prescrit 1 année avant celui-là et également le Nabi alayhi salatu wassalam n'a pas pu le faire, il a chargé Abu Bakr Siddiq de le faire. Est-ce que lui, celui-là c'était le pèlerinage de l'Hajj de l'islam ou ce n'était pas encore devenu obligatoire? L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, en parlant de cette divergence et des différents avis des hommes de science, il dit avec certitude que l'année dans laquelle a été prescrit le pèlerinage, c'est l'année 10 de l'Hégire. Et les arguments sont nombreux sur cela, avec la révélation de ce verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Dans l'autre riwaya, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Donc, dans le sens approximatif, les hommes qui ont les moyens ont le devoir envers Allah de se rendre à la maison sacrée en pèlerinage. Ceux qui mécroient فمن كفر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Et ceux qui mécroient, alors ils doivent savoir qu'Allah se passe de toutes les créatures de l'univers. Donc, avec la révélation de ce verset, il dit, rahimahullah, l'imam ibn al-Qayyim, que le pèlerinage était devenu obligatoire. Et donc, selon cet avis, dès que le pèlerinage était devenu obligatoire, Nabi Isa sallam l'a accompli. Et le verset, il a été révélé vers la fin de l'année 9 de l'Hégire. C'est-à-dire la première fois où ça va être obligatoire, c'est cette année dans laquelle Nabi Isa sallam a accompli le pèlerinage. Donc ce pèlerinage qui s'est fait appeler Hajjat al-Wada', dans laquelle Nabi Isa sallam, il a fait les adieux avec ses compagnons et avec les gens, tous ceux qui ont assisté avec lui dans ce pèlerinage, et ils sont venus très très nombreux. Tous, ils voulaient prendre comme exemple et modèle leur prophète alayhi salatu wassalam et prendre de lui directement les rituels de pèlerinage. Comme le Nabi alayhi salam m'a dit, خذوا عني مناسككم. Prenez de moi vos rituels. Ce pèlerinage a été appelé également le pèlerinage Hajjatul Balagh. Hajjatul Balagh, le pèlerinage de la transmission de la législation. Car dans ce pèlerinage, le Nabi alayhi salam a transmis ce qu'Allah azzawajal lui a ordonné de transmettre avec ses paroles et avec ses actes dans le cadre du pèlerinage. Et ça a été appelé également le pèlerinage de l'islam, car c'est le pèlerinage de l'islam pour le prophète alayhi salatu wassalam. Comme on a vu, c'est l'unique pèlerinage, quelle que soit la vie, considéré parmi les avis que je vous ai cités précédemment, ça c'est le pèlerinage de l'islam pour Nabi alayhi salatu wassalam. C'est son unique pèlerinage depuis que le pèlerinage est devenu une obligation de l'islam. Et c'est dans ce pèlerinage qu'Allah Azza wa Jalla a révélé « Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina » C'est dans ce pèlerinage, dans le jour de Arafat, qui était un jour du vendredi, comme ceci est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, qu'Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset immense dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Al-yawma akmaltu lakum dinakum » Aujourd'hui, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, je vous ai comblé de ma grâce tout entière. Ou là plutôt, aujourd'hui, j'ai mené votre religion à son point d'accomplissement. Ou plus simplement, on peut dire, aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Je vous ai comblé de ma grâce tout entière et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion, c'est-à-dire comme unique religion. L'islam sur lequel était le prophète Aïssa salam ainsi que ses nobles compagnons. Des juifs sont venus voir Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Ils lui ont dit, il y a un verset qui a été révélé sur votre prophète, si jamais ça nous était révélé à nous, on aurait fait du jour de sa révélation un jour de fête. Il leur a dit lequel de ces versets. Ils ont dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Il leur a dit, sachez que par Allah je sais quand est-ce que ça a été révélé, quel jour, quel mois et à quel endroit ça a été révélé. Et sachez que c'est un jour de fête pour nous les musulmans, le vendredi. C'est un jour de fête pour nous les musulmans, car ça a été révélé un vendredi qui a coïncidé avec le jour de Arafat, cette année où le Nabi Issa salam a fait le pèlerinage. Donc Allah Azza wa Jalla dit aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. La religion est complète. On peut rien y rajouter. Et tout ce qui est rajouté dans la religion, après qu'elle soit complète, après qu'elle a été complétée par Allah subhanahu wa ta'ala, tout rajout est un égarement. Et c'est une innovation détestée par Allah. Et qui ne fait que t'éloigner d'Allah. Jamais tu te rapprocheras d'Allah avec une innovation. L'innovation ne fait que t'éloigner d'Allah. Et jamais Allah il te donnera une récompense pour une innovation. Au mieux, tu ne seras pas châtié si Allah t'excuse par ton ignorance ou par autre chose qui a fait que tu es tombé dans cette innovation. Car Nabi Issa sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa radd » Celui qui fait une œuvre dont on n'a pas donné l'ordre, alors ça sera rejeté. Il dit l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, par rapport au pèlerinage de l'Ouada', il dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, a prié al-Dhuhr, le jour du jeudi, le 24 Dhul-Qa'da, de l'année 10 de l'Hégire. Il a prié al-Dhuhr à Médine. Et après avoir prié al-Dhuhr, alayhi salatu wassalam, le 24 Dhul-Qa'da, de l'année 10 de l'Hégire, il est sorti avec les musulmans qui étaient avec lui à Médine. Et tous ceux qui se sont regroupés ce jour-là pour accompagner le Nabi Issa salam dans son pèlerinage, et ils étaient extrêmement nombreux. Dans des versions, c'est rapporté qu'ils étaient plus de 100 000. Plus de 100 000. Et ils sont sortis, le Nabi Issa salam ainsi que ses compagnons de l'Madina après avoir prié al-Dhuhr. Et il a prié l'Asr à Dhul-Hulayfa. Il a prié deux unités de prière. Il a passé la nuit à Dhul-Hulayfa. Dhul-Hulayfa, aujourd'hui, c'est à peu près à 3 kilomètres. Donc il est sorti et il a prié l'Asr. Il est arrivé à Dhul-Hulayfa à l'heure de l'Asr. Il a prié là-bas l'Asr et il a passé la nuit sur place. Ensuite, il est rapporté que Jibril, alayhi salam, est venu voir Nabi, alayhi salam, à cet endroit, à Dhul-Hulayfa, dans laquelle il y a une vallée qui s'appelle Al-Aqiq. Et il lui a ordonné, il a ordonné au prophète, alayhi salam, de faire l'Hajj en Qiran, c'est-à-dire il va joindre le Hajj à la Umrah. Il va faire les deux en faisant les mêmes rituels que celui qui fait le Hajj uniquement. Mais la différence entre le Qiran, c'est tu vas joindre l'intention de le Hajj à l'intention de l'Umrah. Et par contre dans la pratique, tu vas faire comme celui qui a fait uniquement le Hajj. Et dans le Hajj, il y a trois formules qu'on puisse faire. Il y a le Qiran que le Nabi alayhi salam a fait, il y a l'Ifrad, celui qui va mettre uniquement l'intention de le Hajj. Et il y a at-tamattu', celui qui va mettre uniquement l'intention de l'Umra, il va faire sa Umra et après il va se désacraliser et quand arrivera le jour 8 du mois de l'Hijja, il va mettre l'intention de le Hajj. Ça s'appelle tamattu', car il y a une forme de jouissance dedans. C'est que tu vas te désacraliser et tout devient autorisé pour toi parmi les interdits de l'état de sacralité. Tout ce qui a été interdit deviendra autorisé, tel que le parfum, se raser, se couper les cheveux, et ainsi de suite. Tout ça deviendra autorisé, et tu vas jouir de cette ni'ma jusqu'à l'arrivée de l'hajj. Et quand c'est l'hajj, tu vas à nouveau porter ton ihram et mettre l'intention de l'hajj. Nabi Isa alayhi salam, il a fait ce qu'on appelle le qiran. L'hajj et l'umra en même temps. En même temps avec, il y a ni deux intentions, mais les rituels, c'est comme celui qui fait, comme j'ai dit, comme celui qui fait uniquement le hajj. C'est la même chose. Il va faire comme lui. La différence, c'est dans l'intention et dans le hadi. Car toute personne à qui Allah permet la ni'ma de faire l'umra et le hajj dans un seul voyage, elle est redevable d'un mouton qu'elle doit sacrifier pour Allah et distribuer sa viande aux pauvres de Mecca. Donc, ceux qui donnent le mouton, le hadi, c'est ceux qui font tamattu' et qui font le qiran. Ceux qui font l'ifrad, ils ne le donnent pas, car ils ont fait uniquement le hajj. Et c'est pour ça que ce sacrifice, il s'appelle yani damu shukran, un sacrifice de reconnaissance et de remerciement, parce que Allah t'a permis deux rituels en un seul voyage. Et l'imam Ibn Kathir a rapporté que le prophète alayhi salam, ce jour-là, il a fait le tour dans, chez toutes ses épouses. Et il a eu des relations intimes avec toutes ses épouses cette nuit-là. Et ses épouses étaient au nombre de 9. Et ça a été rapporté qu'elles étaient au nombre de 11. Voilà qu'Allah, l'homme le plus juste, c'est ce que l'imam Ibn Kathir a cité en premier lieu, c'est 9. Car 2 d'entre elles étaient décédées. Khadija radiallahu anha et Zaynab bintu Khuzayma radiallahu anha. Ensuite, Nabi Isa salam a fait al-ghusl. Il a eu des relations intimes avec toutes ses épouses en une seule nuit, c'est-à-dire les 9. Et est-ce qu'il a fait le ghusl entre chaque rapport et l'autre? Il y a une divergence des hommes de science. En tout cas, il a fait le ghusl par la suite. Il a prié 2 rak'at dans cet endroit. Et il a mis l'intention de l'hajj et de l'umra. De l'hajj et de l'umra, le qiran. Donc ça a été rapporté de 16 compagnons, yani, qu'il a fait al-qiran. Et parmi eux, son serviteur, Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Et de Anas ibn Malik, l'ont rapporté 16 tabi'i également. Et donc, c'est explicite, et ça n'admet aucune interprétation que Nabi alayhi salam a fait le Qur'an, parce que c'est des questions de très très grande divergence. Pour ça, l'imam Ibn Kathir, il cite tous ces points pour montrer que c'est ça, al-haq, wallahu alam. Et il dit que tous les autres hadiths qui sont rapportés comme quoi Nabi alayhi salam n'a pas fait le Qur'an, c'est des hadiths qui ne sont pas explicites. Yani, comme quoi, le Nabi alayhi salam aurait fait uniquement l'intention de l'hajj. Et ensuite, il a parlé de cette façon de faire l'hajj qui s'appelle le qiran, et que c'est la meilleure des façons chez l'imam Abu Hanifa. Et c'est dans une narration rapportée de l'imam Ahmad également, c'est la meilleure des façons de faire l'hajj. Dans l'autre narration, c'est tamattu', et c'est ça la vie juste et authentique. Et c'est ça la sunna. Et Également, c'est un avis de l'imam Shafi'i, rahimahullah. Comme quoi, le Qur'an, c'est la meilleure des façons de faire le hajj, car c'est ce que Nabi alayhi sallam a fait. Mais les savants, dans cette question, ils ramènent les dalils comme quoi c'est tamattu'. Et que Nabi alayhi sallam lui-même, s'il n'avait pas ramené avec lui son sacrifice, il aurait transformé son intention en tamattu'. Il aurait transformé l'intention de l'hajj et l'umrah en l'intention de l'umrah uniquement. Et se désacraliser par la suite et commencer le hajj le 8 de l'Hijja. Mais celui qui ramène avec lui et qui conduit avec lui sa bête pour l'immoler, la sacrifier à Mecca, celui-là, il n'a pas le droit de transformer l'intention. Il doit rester sur le Qiran. C'est pour ça que Nabi alayhi salam n'a pas changé, mais il a recommandé à ses compagnons de mettre l'intention de tamattu'. Et Nabi alayhi salam ensuite, il a pris sa route vers Mecca et les gens étaient à sa droite, à sa gauche, des nombres immenses. Tous sont venus pour suivre Nabi alayhi salam dans son pèlerinage et prendre de lui directement les rituels. Et dès que Nabi alayhi salam est arrivé à Mecca, il a fait tawaf al-qudum. Il a fait tawaf al-qudum. Le tawaf que tu fais dès que tu arrives à Mecca. Et dès que tu arrives à Al-Ka'ba. Car comme on sait, quand on arrive à Al-Ka'ba, pour la première fois, il n'est pas légiféré de faire tahiyyat al-masjid. Il n'est pas légiféré de faire tahiyyat al-masjid. Et sunnah, c'est de faire tawaf directement. C'est comme ça que le Nabi alayhi sallam a fait. Et tawaf, c'est considéré comme une tahiyya de l'masjid pour celui qui vient avec l'intention de l'hajj ou l'umrah. Et après son tawaf autour de l'Ka'ba, les 7 tours autour de l'Ka'ba, en ayant laissé l'Ka'ba à sa gauche, le Nabi alayhi sallam, il a fait 7 tours de cette manière, après avoir découvert, comme on a vu dans l'Umra de Al-Qadha, après avoir découvert son épaule, l'épaule droite. Et il a fait les 3 premiers tours en pressant les pas, et ensuite il a marché normalement dans le reste des 7 tours. Après avoir fini Tawaf Al-Qudum, le Nabi alayhi salam est parti d'abord prier 2 rak'at derrière la station de Ibrahim alayhi salam, et ensuite il est parti boire zamzam et en mettre sur sa tête, et de là il est parti faire sa'i entre Safa et le Marwa, les 7 allées et retours. Un aller c'est compté pour une fois, un retour c'est compté pour une autre fois, 2 fois yani. Entre les 2 monts de Safa et de Marwa. Et il a ordonné, à ce moment-là exactement, il a ordonné à ceux qui n'avaient pas ramené avec eux la bête à sacrifier, de transformer leur pèlerinage en une umra, et de se désacraliser afin de l'umra d'une manière complète. Et que le jour 8 de Dhul Hijjah, le jour de Mina, là, ils mettent l'intention de l'Hajj. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, comme c'est rapporté dans l'authentique de l'imam muslim, si j'avais le choix, je n'avais pas conduit ma bête, j'aurais transformé mon pèlerinage en une umrah. Ni comme vous. Mais ce qui l'a empêché, c'est le fait d'avoir conduit sa bête, et pour celui-là, il n'est pas autorisé de transformer l'intention. Il doit rester dans l'intention de l'hajj. Et ça démontre que Nabi alayhi salam n'était pas dans le tamattu', mais il était dans le qiran. Et Ali radiallahu anhu est arrivé du Yémen au même moment et Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a interrogé, lui a dit, qu'est-ce que tu as mis comme intention pour ton pèlerinage? Il a dit, j'ai mis la même intention que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, j'ai mis la même intention que toi, au prophète d'Allah. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si j'avais pas conduit avec moi ma bête, j'aurais transformé mon intention en umra. En une umra. Et ça, c'est explicite. Que Ali radiallahu anhu également, qui est venu du Yémen et qui avait conduit avec lui également sa bête à sacrifier après la fin des rituels, radiallahu anhu, yani, il était également comme le Nabi alayhi sallam, il avait fait le Qiran et Ali radiallahu anhu, il a mis ce qu'il a ramené comme bête pour sacrifier avec celle du prophète alayhi salatu wassalam. Et ainsi, le Nabi alayhi sallam, il a sacrifié dans ce pèlerinage son chameau. Il a sacrifié son chameau. Il a sacrifié avec ses propres mains alayhi salatu wassalam, il a sacrifié avec ses propres mains 63 chameaux. Et le reste, il l'a délégué à Ali radiallahu anhu. Il l'a délégué à Ali radiallahu anhu. Ça montre, là on est dans l'année 10, Nabi alayhi sallam, il a 62 ans, 63 ans. Et à cet âge-là, il a sacrifié autant de bêtes que d'années de son âge. Est-ce qu'il y avait une sagesse dans ça ou pas? Allahu a'lam. Mais en tout cas, il a sacrifié 63 chameaux. Et il avait à peu près 63 ans, alayhi salatu wassalam. Et le reste des 100 chamelles, il les a délégués à Ali radiallahu anhu pour les sacrifier. Et ensuite, Nabi alayhi salatu wassalam, après avoir fini sa umra, il est sorti vers Mina. Et c'est là où il a passé sa nuit. Et c'était la nuit du jeudi, afin du vendredi, le 9 Dhul-Hijjah. C'était la nuit du vendredi. 9 Dhul-Hijjah. Donc il est resté le 8. Et dans la nuit du 9 qu'il a passé à Mina, le lendemain, qui est le jour 9. Le jour 9, c'est le jour de Arafah. Et qui a coïncidé cette année avec le jour du vendredi. À la matinée, Nabi alayhi sallam s'est dirigé vers Arafah. Et il s'est arrêté à un endroit qui s'appelle Namira, juste avant Arafah. Yani à quelques pas. Yani s'est collé directement à Arafah. Mais quand t'es à Namira, t'es pas considéré comme étant à Arafah. Et ça, c'est une erreur dans laquelle tombent malheureusement certains pèlerins. Ils restent à Namira, ils ne rentrent pas à Arafah. Et si malheureusement ils ne rentrent pas à Arafah, jusqu'à la fin de son pèlerinage, alors il n'aura pas de pèlerinage. Son pèlerinage est invalide, car Arafah, c'est le pilier le plus important dans le Hajj. Et s'il loupe ce pilier, alors c'est un homme qui a loupé son pèlerinage. Wallah musta'an. Donc, Nabi alayhi sallam s'est arrêté à Namira, et c'est là où il a fait son discours. Le discours de Arafah. Il n'a pas fait le discours du Jumu'ah, car ils n'ont pas prié le Jumu'ah, ils sont voyageurs. Mais il a fait le discours que font tous les imams chaque année, chaque Hajj, dans le jour de Arafah. Il a fait ce discours à Namira. Et pour ceux qui connaissent la mosquée qui est appelée aujourd'hui la mosquée de Namira, sa moitié du devant, elle est dans Namira. Et la deuxième moitié de la mosquée, elle est dans Arafah. Donc, Nabi alayhi sallam, il a fait le discours à Namira, et après avoir fini son discours, il a ordonné à ses compagnons, donc, l'imam Ibn Kathir, il rapporte qu'ils étaient plus de 40 000 ce jour-là, Et il leur a ordonné de prier Dhuhr et l'Asr. Ils ont regroupé Dhuhr et l'Asr au début d'heure de Dhuhr. Dès que c'était l'heure de Dhuhr, Nabi Issa salam, il a fait son discours et il a prié Dhuhr et l'Asr, deux unités de prière avec un seul adhan et deux iqama. Et dès qu'il a terminé l'Asr, il est entré dans Arafah. Il a commencé la station de Arafah. Il est resté à Arafah à invoquer Allah, à faire dua jusqu'au coucher du soleil. Et après le coucher du soleil, et rester jusqu'au coucher du soleil est une obligation. Quelqu'un qui sort avant le coucher du soleil, il a laissé une obligation du pèlerinage. Il doit sacrifier un mouton qui ne s'appelle pas un mouton de remerciement comme celui qu'on a vu avant. Celui-là, c'est un mouton de rattrapage. Damu Jubran, c'est une expiation d'avoir délaissé cette obligation du pèlerinage. Donc, c'est une obligation de rester à Arafah jusqu'au coucher du soleil. Après le coucher du soleil, Nabi Issa salam est parti vers Muzdalifa. Et dès qu'il est arrivé à Muzdalifa, il a prié, après avoir déposé ses affaires, il a prié le Maghreb et l'Isha, il les a regroupés également. Le Maghreb, c'est toujours trois unités de prière. Et l'Isha, il les a priés deux unités de prière. Il les a regroupés de la même façon avec un seul adhan, deux iqama. Et il a prié le Maghreb et l'Isha une fois arrivé à Muzdalifa. Et dès qu'il a prié, au point où les savants ont divergé, est-ce que cette nuit, Nabi Issa salam, a prié le witr ou pas? Mais ce qui est juste, wallahu alam, c'est qu'il a prié le witr. Mais il a prié rapidement le witr, et aussitôt, Nabi Issa salam, il a déposé, il a continué à déposer ce qui restait de ses affaires sur ses montures, et il s'est endormi cette nuit. Il a dormi toute la nuit, alayhi salatu wassalam, jusqu'au fajr. Il s'est levé pour le fajr, en début de son heure, il a prié. Le plus rapidement possible, il a prié le fajr en début de son heure. Et pourquoi, yani, cette nuit, Nabi Issa salam a dormi après avoir prié l'Isha et le Maghreb? Il a dormi tellement rapidement que les savants ont divergé, est-ce qu'il a fait le witr ou pas? Mais ce qui est juste, c'est que Nabi Issa salam n'a jamais délaissé le witr. Mais là, il a fait juste plus vite que d'habitude. Il a prié rapidement et il s'est endormi très très rapidement. Il a dormi la majorité de la nuit parce que ça, c'est une façon de se préparer au lendemain. Le lendemain qui est le jour 10 de Dhul Hijjah, qui est dans la vie le plus juste des hommes de science, qui est la vie de Cheikh Islam Taymiyyah, la meilleure journée dans l'année. C'est le jour 10 de Dhul Hijjah, le jour de l'Adha, dans lequel font le sacrifice donc ce jour-là dans lequel font le sacrifice tous les tous les musulmans, yani que ce soit ceux qui sont dans le hajj, ils vont faire le sacrifice dans le cadre de leur pèlerinage. Et ceux qui sont dans les pays, également pour eux, c'est la fête de l'Eid, de l'Adha. Donc, ils immolent leurs bêtes également dans les pays, et également ceux qui sont à Mecca pour le pèlerinage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Yawm al-Hajj al-Akbar, le jour du grand pèlerinage, le grand jour du pèlerinage, qui est, comme j'ai dit, la meilleure journée dans toute l'année, dans la vie le plus juste, wallahu a'lam. C'est la vie de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc, Nabi Issa salam, il s'est dormi, et il s'est endormi très rapidement pour se préparer à cette longue journée. Car la plupart des rituels de l'Hajj ont lieu dans cette journée. Maintenant, de l'Hajj, qu'est-ce qu'on a fait? Pour ceux, qu'Allah nous facilite l'Hajj. Ya Rabbi Amin. À tous. Donc, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent? Il a été fait la station de Arafat. Uniquement. Parmi les piliers de l'Hajj. Il reste encore Tawaf al-Ifada. Le Tawaf qui est un pilier de l'Hajj. Il reste encore Sa'i. Qui est un pilier de l'Hajj. Pour celui qui ne l'a pas fait, dans le cadre de l'Umra. Et il reste aussi sacrifier la bête et se raser les cheveux ou les raccourcir. Yani, la lapidation des stèles, de la grande stèle aujourd'hui, qui sera lapidée uniquement la grande stèle pour le jour 10. Et les trois autres seront faites le 11, le 12 et le 13. Mais le 10, on lapide uniquement la grande stèle. La grande stèle qui est la plus proche de Mecca. Qui est la plus proche de Mecca. Donc, la plupart des rituels de l'Hajj se déroulent ce jour-là. Et Nabi alayhi salam, il a tout fait ce jour-là. Et pour ceux qui ont déjà fait l'Hajj, ils savent que tout faire en une journée, à notre époque où il y a beaucoup de facilité, c'est pas quelque chose de facile. Faut avoir une très grande santé et en plus Allah il te facilite. Et Nabi alayhi salam a tout fait en une seule journée. Bien évidemment, le but c'est pas de tout faire, c'est de bien faire les choses. Donc si tu es fatigué et tu sais que tu vas mal faire des choses ou juste faire vite pour terminer, et ton souci va devenir pendant l'adoration, c'est quand est-ce que tu vas finir, c'est meilleur pour toi de retarder. Et alhamdoulilah, t'as un délai, un grand délai pour faire toutes ces choses-là. Si tu peux pas le 10, tu peux le 11, le 12, le 13, et le mieux c'est de tout faire yani, avant le 13. Yani, le 13, dernier délai, le mieux c'est de tout faire jusqu'au 13. T'as 4 jours pour faire ce que Nabi alayhi sallam a fait en une seule journée. Malheureusement, certains de nos frères qui veulent faire comme Nabi alayhi sallam a fait exactement, mais sans tenir compte des autres paramètres, et ça peut être lié à un manque de fiqh, un manque de compréhension, de bonne compréhension de la religion. Parce que faire comme Nabi alayhi sallam a fait exactement, ça c'est un point, mais c'est pas l'unique point. Il y a d'autres paramètres desquels tu dois tenir compte. Et donc, Nabi Isa al-Salam, il a, quand il s'est réveillé la matinée en début de journée à Muzdalifa, il a pris le Fajr en début de son temps. Et il est sorti de Mina avant le lever du soleil. Quand le soleil, avant qu'il se lève, mais juste avant qu'il se lève, il a quitté Mina, alayhi salatu wassalam. Il est resté pendant ce temps-là, entre la fin de sa salat, de l'fajr, jusqu'à sa sortie de Mina, à faire dua. Et c'est un jour dans lequel, parmi les jours dans lesquels, dans toute l'année, dans toute la vie, les invocations sont exaucées. C'est la matinée de Muzdalifa. Et il est parti vers Mina, et il est arrivé à la grande stèle qu'il a lapidée, et ensuite il est parti sacrifier ses bêtes, alayhi salatu wassalam, il a rasé sa tête, il a fait le tawaf. Tawaf qui est un pilier maintenant, qui est un pilier de l'Hajj. Et ce jour-là, ils ont divergé où a prié Dhuhr, alayhi salatu wassalam. Ils ont divergé où est-ce que Nabi alayhi salatu wassalam a prié Dhuhr ce jour-là. Est-ce qu'il l'a prié à Mecca ou est-ce qu'il a fini Mecca, il est revenu à Mina, il l'a prié à Mina. Donc il y a une grande divergence sur ce point également. Mais en tout cas, après avoir fait son tawaf, il s'est désacralisé, alayhi salatu wassalam. Ce qu'on appelle la petite désacralisation. où tout devient autorisé, excepté les femmes. Et le 11, 12, 13, il les a passés à Mina, alayhi salatu wa salam. Et pendant ces jours-là, il a fait des discours, il a donné des sermons immenses. Et il a recommandé des grandes recommandations, il a mis en garde, il a averti, il a pris les gens comme témoins, comme quoi il a transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme a dit l'imam Ibn Kathir, nous également nous témoignons qu'il a transmis le message de son Seigneur à la perfection et qu'il a accompli sa mission de la meilleure des façons et qu'il a recommandé les meilleures des recommandations à sa communauté, alayhi salatu wassalam. Et après la fin de son pèlerinage, il est reparti à Al-Madina, alors qu'Allah Azzawajal avait parachevé pour lui et complété pour lui sa religion avec la révélation de ce verset qu'on a vu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion et j'ai accompli sur vous mes bienfaits et je vous ai agréé l'islam comme unique religion. Ça, c'est Hajjat al-Wada'. Ensuite, l'imam Ibn Kathir a parlé de la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, de cet événement et cette grande catastrophe par laquelle a été touchée la communauté de l'islam. La plus grande catastrophe par laquelle a été touchée la communauté de l'islam, comme ceci est rapporté dans un hadith authentique. Si jamais était touché par une catastrophe, quand l'un d'entre vous est touché par une catastrophe, qu'il se rappelle la catastrophe par laquelle il a été touché suite à ma mort. Car il y a un soulagement pour lui en cela. Si tu es touché par une épreuve, par une difficulté, rappelle-toi la mort du prophète alayhi salatu wassalam. La plus grande des catastrophes par laquelle a été touchée la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La mort de notre prophète bien-aimé alayhi salatu wa sallam. Donc le Nabi alayhi salatu wa sallam, après une longue vie, 23 ans dans la da'wa et dans la propagation du bien et la transmission de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et le combat du mal et des forces du mal parmi les djinns et parmi les hommes, après une longue vie dans le combat, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il a passé sa vie pour faire triompher la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour que la parole d'Allah soit la plus haute, après cette longue vie dans la da'wa, Allah Azza wa Jal a pris son âme un lundi qui était le 12 Rabi' al-Awwal de l'année 11 de l'Hégire. Allah Azza wa Jal a pris son âme à l'âge de 63 ans. Et ici, l'imam Ibn Kathir, il nous relate ces événements yani depuis le début de la maladie du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi alayhi salatu wassalam, après son retour de Mecca, après son pèlerinage, il est resté à Medina les jours restants du mois de Dhul-Hijja dans lequel il a fait Al-Hajj. Il a passé le reste de ce mois à Medina et il a passé le mois de Muharram et le mois de Safar. Et est-ce que la maladie et les douleurs du prophète alayhi salatu wassalam et la maladie dans laquelle il est décédé sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'elle a débuté vers la fin du mois Safar ou le début de Rabi' al-Awwal? Il y a une divergence entre les savants. En tout cas, c'est dans cette période qu'a commencé les douleurs et les souffrances du prophète, alayhi salam, dans cette maladie suite à laquelle il a rejoint Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette maladie a commencé par de très fortes douleurs dans sa tête, alayhi salatu wassalam, des grandes migraines dont il a souffert, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait des fortes douleurs au niveau de la tête. Et malgré ces fortes douleurs qu'il avait et ces grandes, grosses migraines qu'il avait, alayhi salatu wassalam, ça l'a pas empêché de continuer à donner à chacune de ses épouses son droit. Ça nous montre, pour ceux qui sont polygames, l'importance de l'équité et d'être juste vis-à-vis de toutes tes épouses. Nabi alayhi salam, malgré sa maladie, il a continué à donner à chacune de ses épouses son droit en passant la nuit chez elle, malgré que c'était très très lourd et très très dur pour lui de se déplacer à cause de sa maladie, alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce que c'est devenu impossible pour lui de continuer à se déplacer entre les maisons de ses épouses. Et il a demandé la permission à ses épouses afin de rester dans la maison de Aïcha et d'y passer toute la période de sa maladie. Et elles lui ont autorisé, radiyallahu anhun, comme ceci rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Et il est resté souffrant, très très souffrant, pendant 12 jours, il dit l'imam ibn Kathir, ou 14, dans un autre avis. Mais le plus juste, qui n'a pas été cité par l'imam ibn Kathir, c'est qu'il est resté malade pendant 10 jours. C'est ça la version authentique qu'a rapporté Al-Hafidh ibn Hajar dans Fath al-Bari. En tout cas, c'est pendant toute cette période, Nabi alayhi salam était extrêmement souffrant, au point où il n'arrivait pas à se lever de son lit, sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui dirigeait les salawats pendant cette période, dans laquelle Nabi alayhi salam n'arrivait pas à se lever et à assister au jama'a, c'était Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. C'était Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu qui dirigeait les salawats. Et c'est le Nabi alayhi salam qui l'a choisi. Et même c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari que quand le Nabi alayhi salam a choisi Abu Bakr pour diriger les salawats, Aïcha radiallahu anha n'a pas aimé cela. Et c'est même rapporté la raison pour laquelle elle aurait préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui dirige les salawats. Parce qu'elle a eu peur que ce soit Abu Bakr qui dirige les salawats et après le Nabi alayhi salam il décède et que les gens, yani, pensent du mal de Abu Bakr ou quelque chose de ce genre. En tout cas, elle aurait préféré que ce soit un autre homme que son père qui dirige les salawats. Nabi alayhi salam lui a dit, ordonnez à Abu Bakr Siddiq de diriger les salawats. Elle a dit, radiyallahu anha, elle a dit au messager d'Allah, tu sais que Abu Bakr Siddiq, rajulun asif, c'est-à-dire raqiq, un homme très sensible, il n'arrive pas à diriger une salat sans pleurer au point où les gens ne comprennent rien derrière lui. Et ça, c'était vrai. Abu Bakr, radiyallahu anha, c'était un homme extrêmement sensible. Au point où à Mecca, le kuffar avait peur de lui et ont demandé à ce qu'il prie à l'intérieur de sa maison, non pas à l'extérieur, comme il le faisait. Car les femmes et les enfants, quand ils voyaient Abu Bakr prier et pleurer, ils aimaient cette religion qui lui faisait ça. Et c'est des choses que eux ils connaissaient pas. C'est pour ça que Kuffar Quraysh ont eu peur pour leurs enfants et pour leurs femmes de suivre Abu Bakr Siddiq dans l'islam, et lui ont ordonné et lui ont interdit de prier dans la place devant sa maison. Ils lui ont dit, tu pries à l'intérieur de chez toi. Donc Aïcha radiallahu anha a cité ça, que c'est un homme sensible, mais en réalité elle voulait pas que, après que Abu Bakr dirige les salawats, le prophète décède et les gens peuvent penser quelque chose de son père. Elle a dit au messager d'Allah, demande à Omar de diriger les salawats, car Abu Bakr, c'est un homme sensible. Le Nabi lui a dit, demande à Abu Bakr de diriger la salat. Et quand elle a vu que le Nabi n'a pas accepté, qu'est-ce qu'elle a fait, radiyallahu anha? Elle a été voir Hafsa, la fille de Omar, épouse du prophète, mère des croyants. Elle lui a dit, dis au prophète de désigner Omar pour diriger les salawats, car Abu Bakr c'est un homme sensible. Et quand il dirige, il pleure, et les gens au point, ils peuvent ne pas comprendre sa récitation. Et Hafsa, radiyallahu anha, elle est partie dire ça au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, entre parenthèses, il s'est mis en colère. Il a dit, dites à Abu Bakr de diriger la salat, car par Allah, vous êtes comme les femmes dans l'histoire de Yusuf, alayhi sallam. Yani, que vous avez utilisé, comme si elles ont utilisé Aïcha radiallahu anha, comme s'il y a une ruse. Mais c'est pour un bien, selon elle, radiallahu anha, mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a insisté pour que ce soit Abu Bakr Siddiq, radiallahu anha, qui dirige la salat. C'est pour ça que Sahaba, radiallahu anha, par la suite, ils ont vu, en cela, un message. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a choisi pour les diriger dans l'adoration la plus importante dans la pratique, pour faire sortir les croyances, alors comment ne pas l'agréer et l'accepter pour nous diriger dans la dunya, et que ce soit le successeur légitime après le prophète, le calife, le premier des califes bien guidés, le meilleur homme de cette communauté, et même le meilleur homme de toute l'humanité après les prophètes et messagers, radiyallahu anhu. Effectivement, c'est Abu Bakr qui a dirigé les salawats et qui a fait imam pendant toute cette période de maladie du prophète, dans laquelle il n'arrivait pas à se lever et à aller prier. Et un jour, il est rapporté dans l'authentique, un jour, Nabi Issa, il a senti comme s'il s'est allégé un peu. Regardez, on voit l'attachement du prophète, son attachement à la salat et son attachement à la prière en groupe. Il y a plusieurs points dans la mort du prophète qui nous indiquent cela. Qu'Allah nous permette de les voir tous. Et ça, c'est parmi les plus grands profits que tu puisses tirer de l'histoire de la mort du prophète. C'est l'importance de l'aqida et l'importance de la salat et l'importance de donner à ton épouse tous ses droits. Car ça, c'est parmi les points, les trois points que le Nabi sallam a mentionné dans sa maladie de mort, dans la maladie dans laquelle il est mort, alayhi salatu wassalam, ces trois points en particulier. Donc, je disais qu'il s'est rapporté que le Nabi sallam, un jour, il a senti comme un allègement. Comme s'il s'est amélioré, il a demandé à ses épouses de lui ramener 9 seaux d'eau. Yani, de les ramener, et ils les ont versés sur lui, l'une après l'autre. Et quand elles ont fait ça, ça l'a allégé encore plus. Il s'est senti mieux. Et dès qu'il s'est senti mieux, alayhi salatu wassalam, il est sorti pour prier avec les musulmans directement. Mais ce jour-là, il a prié effectivement. Il est sorti, il a trouvé que c'était Abu Bakr qui dirigeait la salat. Et Abu Bakr, quand il a vu le Nabi sallam sortir de chez lui, il a voulu reculer pour le laisser diriger la salat. Mais le Nabi sallam lui a fait un signe pour qu'il reste à sa place. Et il est venu, sallam, il s'est assis à côté de Abu Bakr. Il n'a pas pu prier debout. Il a prié assis. Mais Abu Bakr a prié debout. Et Abu Bakr, il prenait le prophète comme imam. Il suivait le Nabi. Et les gens suivaient Abu Bakr radiallahu anhu. Donc, ça c'est une fois où ça s'est passé comme ça. Une deuxième fois, où ça on va la citer plus tard, parce que c'est dans le jour. Non, on va la citer comme c'est en lien avec le même sujet. Donc, Nabi alayhi salam, on a vu qu'il est décédé alayhi salam le lundi. Il est décédé le lundi dans la matinée du 12 Rabi' al-Awwal. Donc c'est une certitude qu'il est décédé en 12. Mais est-ce qu'il est né en 12? On a vu la divergence et l'avis le plus juste, c'est qu'il est né le 10. Alayhi salatu wassalam, ou le 9. Yani, il y a plusieurs avis, mais en tout cas, le 12, c'est pas l'avis le plus fort. C'est pas l'avis le plus fort. Donc, ceux qui fêtent l'anniversaire du prophète alayhi salam le 12, en réalité, ils fêtent sa naissance déjà. Yani, c'est une innovation de plusieurs points de vue, mais également, là, j'ai pensé à un autre point de vue, c'est que, ils font une fête dans le jour où Nabi alayhi salam est décédé d'une manière sûre. Avec certitude, il est décédé ce jour-là. Eux, ils font une fête. Et si on devait faire quelque chose, on aurait fait un deuil et non pas une fête. Mais il n'est autorisé de faire ni un deuil ni une fête. Ce qui est demandé, c'est de suivre Sunna et de suivre les compagnons radiallahu anhum. Ils n'ont fait ni la fête ni le deuil. Donc le Nabi alayhi salam, il est décédé ce lundi. On a vu que sa maladie a commencé le jeudi du mois vers la fin de Safar ou le début de Rabi' al-Awwal. Il est décédé un lundi. Ce lundi-là, justement dans lequel le Nabi alayhi salam est décédé dans la matinée. Ce jour-là, c'était Abu Bakr, comme les autres jours, qui a dirigé Salat al-Fajr. Et Nabi alayhi salam, il s'est levé, Allah lui a permis ce jour-là, il s'est levé de son lit. Et il est venu, il a ouvert le voile qui sépare sa pièce de la mosquée. Et il a regardé les compagnons, ils priaient tous derrière Abu Bakr, qui était leur imam. Il a retiré le voile et il a vu Abu Bakr diriger les compagnons radiallahu anhum dans la salat de l'Fajr. Et quand Sahaba, ils ont vu le voile s'ouvrir, ils ont vu le Nabi alayhi salam et subhanallah, comme a rapporté Anas, il avait un visage splendide, radieux. Yani, son visage dégageait comme une lumière, alayhi salatu wassalam. Quand ils ont vu le Nabi alayhi salatu wassalam, après tous ces jours, où il les dirigeait pas dans la salat, yani, et ça leur manquait, l'imam de Nabi alayhi salatu wassalam, pendant tous ces jours-là, ce lundi, ils l'ont vu ouvrir le voile, ils ont cru qu'il était guéri. Il y en a en plus, ils l'ont vu dans cet état-là, et ils étaient perturbés dans leur salat. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va pas venir? Au point où Abu Bakr a reculé de sa place d'imam pour que le Nabi alayhi salam vienne et dirige la salat. Mais le Nabi alayhi salam, de loin, il lui a fait un signe de finir la salat et de rester à sa place. Et il les a regardés dans cet état dans lequel Nabi alayhi salam aime voir sa communauté. Cet état où ils étaient tous alignés. Et il faut savoir comment sahaba ils se mettent dans les rangs de la salat. Épaule contre épaule. Talon contre talon. Cheville contre cheville. Une proximité et un amour. Ils sont soudés dans la salat. Et concentration et dévotion, khushu' wa khudu'. Et l'imam, c'est Abu Bakr Siddiq. Et derrière lui, tous les compagnons, radiyallahu anhum, dans une des meilleures salawats, des cinq salawat. Cette salat qui est salat al-fajr, avec salat al-asr qui sont les prières les plus difficiles. Et au sujet desquelles, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie le fajr et l'asr ira au paradis. Man salla al-bardaini dakhala al-jannah. Salat al-fajr et l'isha également, c'est les deux prières les plus difficiles et les plus lourdes pour le munafiqin, pour les hypocrites. Salat al-fajr, c'est une salat dans laquelle faut sortir de son lit bien douillé, où il fait chaud, t'as ton épouse à côté de toi et tu te lèves et tu quittes tout ça pour sortir où il fait froid et te rendre à une mosquée. Ça, c'est quelque chose qu'Allah aime énormément et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aime énormément. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce dernier regard qu'il a adressé à sa communauté, et il les a vus comme il aime les voir toujours. C'est comme ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aime te voir. Si tu prétends aimer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam réellement, et t'es sincère dans ton amour, et que c'est un vrai amour, alors sache que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aime te voir dans cet état, dans salat al-fajr, à la mosquée en groupe. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a regardés, ce dernier regard qu'il a adressé à sa communauté, et il a souri. Il a souri. Et il a fermé ensuite le voile et il est rentré dans la maison de Aïcha radiallahu anha. Et ensuite, plus tard, il a rejoint Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette matinée du lundi du mois Rabi al-Awwal, le 12 du mois Rabi al-Awwal. Et vers les dans les derniers instants de notre prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, dans cette vie terrestre, il est les derniers instants qu'il a passé dans la maison de notre mère Aïcha radiallahu anha. Il était sur elle, elle prenait sa tête, et dans ces derniers moments, parmi ce qui est rapporté authentiquement, c'est que le frère de Aïcha, Abdurrahman radiallahu anha, est entré. Et quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a aperçu, il a regardé son siwak. Et notre mère Aïcha a compris que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait le siwak. Et elle lui a fait un signe, est-ce que je le ramène? Effectivement, elle a pris le siwak de Abdurrahman, radiallahu anhu, de son frère. Et il était un peu sec. Elle l'a rendu souple avec sa bouche. Elle l'a mâché un petit peu. Et ensuite, elle l'a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a utilisé siwak. C'est parmi les dernières choses qu'il a fait dans cette dunya. C'est qu'il a utilisé siwak, aussi cette grande sunna. Si on devait s'arrêter sur ce point par point, mais ça aussi c'est un point très très important sur lequel il faut s'arrêter. Sunna de siwak. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a utilisé siwak. Et ensuite, notre mère Aïcha a récupéré Siwak, radiallahu anha. Et elle lui faisait Ruqya également. C'est parmi ce qui est rapporté, qu'elle lui faisait Ruqya, mais c'est elle qui récitait sur ses propres mains, les mains du prophète, alayhi wa sallam, pour avoir la baraka des mains du prophète, alayhi wa sallam. La Ruqya, tu peux la faire sur tes mains, et après tu les passes sur les mains, sur le corps du malade. Mais Aïcha, radiallahu anha, elle a utilisé les mains du prophète alayhi wa sallam lui-même. Et elle lui faisait ruqya de cette manière. Et avec ses propres mains, en cherchant la baraka qu'il y a dans les mains du prophète alayhi wa sallam. Et il est décédé en ayant 63 ans, dans la vie le plus juste, comme il dit l'imam Ibn Kathir. Et c'est à cet âge-là qu'il est décédé Abu Bakr Siddiq, et Omar ibn Khattab, et Ali ibn Abi Talib, et Aisha bint Siddiq, tous y sont décédés à l'âge de 63 ans. Et ça a été rapporté que Nabi Aïssa Salam est décédé à l'âge de 60 ans, 65 ans. Et ces trois avis sont rapportés dans l'authentique de l'imam al-Bukhari selon Abdullah ibn Abbas. Mais le plus juste et le plus authentique, c'est 63 ans. Et l'épreuve était pénible et difficile, une grande catastrophe avec laquelle a été touchée la Umma et les compagnons. Imaginez dans quel état ils sont les compagnons quand la mort du prophète alayhi sallam a été annoncée. Au point où certains compagnons n'ont pas cru qu'il était mort. Comme Omar radiallahu anhu, il a sorti son épée. Il a dit, celui qui dit que le prophète alayhi sallam est mort, je lui couperai la tête. Il est parti à la rencontre de son seigneur et il reviendra aussitôt comme l'a fait Moussa alayhi sallam. Et c'était, yani, des moments très très difficiles pour les compagnons radiallahu anhum de manière générale. Et Abu Bakr Siddiq, au moment où Nabi alayhi sallam est décédé, et quand la nouvelle est sortie, il n'était pas présent sur place. Il était sorti faire des choses, et à son retour, il a vu les gens dans cet état catastrophique. Et Siddiq radiallahu anhu, il a fait preuve d'une grande fermeté ce jour-là. Il a fait preuve d'une grande fermeté ce jour-là. Et il a demandé au début à Omar radiallahu anhu de s'asseoir et de l'écouter. Mais Omar, il était dans un état où il n'écoutait plus personne radiallahu anhu. Et quand Abu Bakr a vu ça, est-ce qu'on réalise par quoi ils étaient touchés? Ceux qui ont vécu avec le Nabi Aïssa Salam et qui l'ont côtoyé et qui ont passé avec lui toutes ces années. Voilà qu'ils sont informés que le Nabi Aïssa Salam est parti. Donc Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu a fait preuve d'une grande fermeté ce jour-là radiallahu anhu, comme dans d'autres événements, et il a fait un discours, il a rappelé aux gens, il a fait le rappel et il leur a récité la parole d'Allah Azza wa Jalla. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال الإمام ابن كثير فكأن الناس لم يسمعوها قبل ذلك فما من أحد إلا يتلوها. Ça c'est la parole d'Abdullah ibn Abbas que l'imam ibn Kathir a cité ici dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Et c'est également dans l'authentique de l'imam muslim. Donc il aura récité le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit « Muhammad n'est qu'un messager que d'autres messagers ont précédé. S'il venait à mourir ou s'il était tué, tournerez-vous donc les talons. Celui qui tourne les talons ne nuira en rien à Allah et Allah récompensera les reconnaissants. » Et subhanallah, les gens, quand ils ont entendu ce verset, qu'ils connaissaient par cœur et qu'ils avaient mémorisé depuis plusieurs années, pour eux, c'est comme s'ils l'entendaient pour la première fois. Et ça, c'est un phénomène qui nous arrive même à nous. Un verset que tu as appris quand tu avais 5 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, et le jour où tu apprends son tafsir, c'est comme si ce verset, tu l'as entendu pour la première fois. Et comme si tu le connais que maintenant. Tu ne l'as connu que maintenant. C'est pour ça quand Abu Bakr a récité ce verset, et c'était en parfait accord avec ce qui se passe, dans lequel Allah il évoque déjà, dans Sourate Ali Imran le verset. verset 144, dans lequel Allah Azzawajal parle de la mort du prophète alayhi salam sallam, ou si jamais il est tué, et que les croyants doivent rester fermes sur leur religion. Et il leur a dit sa parole très connue. Il leur a dit, celui qui adore Allah, Allah est le vivant éternel. Et celui qui adorait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad il est décédé. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager d'Allah. Naam. Allah n'accepte aucune adoration que ce que Muhammad t'a enseigné. Mais c'est pas une divinité. Mais c'est pas un adoré. C'est un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Donc, quand ils ont entendu ce verset, la plupart d'entre eux étaient tombés par terre. Et ils ont réalisé que, effectivement, que le Nabi alayhi salam salam était mort. Et qu'il a quitté cette dunya. Ça, c'est la plus grande catastrophe dans toute ta vie. Tu ne seras jamais touché par une catastrophe plus grande que celle-là. La mort d'un proche, la perte d'un capital, une maladie, quelle que soit ton épreuve et ta catastrophe par laquelle tu es touché, tu ne seras jamais touché par une catastrophe plus grande que la mort du prophète alayhi salam. Et en réalité, c'est l'arrêt de la révélation. Et l'arrêt de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là où les gens ont réalisé que le Nabi alayhi salam salam est décédé et que les esprits ont commencé à se calmer. Et ensuite, les croyants sont allés à Saqifat Bani Sa'ida, un endroit qui s'appelle Saqifat Bani Sa'ida, ici, dans le Medina, qui se trouve juste à côté de le Masjid Nabawi. Ils sont allés à cet endroit, et ils se sont réunis, et les Médinois avaient désigné Sa'd ibn Ubad, l'Ansar, yani. L'Ansar, les Médinois, quand je dis les Médinois, c'est l'Ansar. Si on veut traduire littéralement, on dira les alliés, ou les auxiliaires, mais l'Ansar, c'est mieux. C'est leur appellation et c'est leur nom, c'est l'Ansar. Ils ont désigné leur maître, Sa'd ibn Ubada, radiyallahu anhu. Mais Sa'd n'a pas accepté cela. Il n'a pas accepté qu'il soit désigné comme successeur au prophète, alayhi salatu wassalam. Et il leur a dit de choisir Umar ibn al-Khattab ou Abu Ubaida ibn al-Jarrah, Amir ibn al-Jarrah. Il leur a dit, choisissez un des deux. Mais Omar ibn al-Khattab a également refusé. Et Abu Ubaida a également refusé. Et tout le monde a refusé jusqu'à ce qu'ils ont fait le pacte d'allégeance à Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Jusqu'à ce qu'ils ont fait le pacte d'allégeance, Abu Bakr Siddiq, il a été désigné comme khalife, comme khalifa, comme calife du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ceux qui étaient présents lui ont fait pacte d'allégeance, et par la suite il a fait, il est venu devant le manbar du prophète alayhi salatu wassalam, et les gens lui ont fait un pacte d'allégeance de manière générale, et c'est devenu le calife du prophète alayhi salatu wassalam. Ils l'ont appelé le calife, c'est le premier qui a été appelé le calife, car c'est celui qui a succédé au prophète alayhi salatu wassalam dans la gouvernance des musulmans, mais la prophétie était finie et arrêtée. Et comme le Nabi alayhi salam a dit à Ali radiallahu anhu, t'es de moi comme Haroun avec Moussa. T'es pour moi comme Haroun pour Moussa. Mais il n'y aura plus de prophète après moi. Juste qu'il n'y aura plus de prophète après moi. Car notre prophète, c'est le dernier des prophètes et messagers, après lequel il n'y aura plus jamais de prophète et de messager. Et ensuite, les sahaba radiallahu anhum ont commencé à préparer le prophète alayhi salam, et ils l'ont lavé, et au début ils ont divergé. Est-ce que on le lave avec ses vêtements, ou où est-ce qu'on le déshabille? On lui retire ses vêtements et on le couvre avec quelque chose, bien évidemment, comme on fait pour tous les, pour tout le monde, les musulmans. On retire leurs vêtements et on couvre leur aura pour ne pas voir l'aura du croyant. Et la sacralité du croyant vivant, c'est comme sa sacralité quand il est mort. Faut pas que tu le frappes ou que tu le touches avec force. Tu te comportes avec lui exactement, pour vous résumer, exactement comment tu te comportes avec un vivant. C'est comme ça qu'on se comporte avec un mort. Et ils l'ont lavé finalement. Quand ils ont divergé, ils n'ont pas su. Est-ce qu'on le retire les vêtements, on les laisse? Allah, à un moment, il leur a donné une petite somnolence. Ils se sont endormis. Ceux qui étaient chargés de le laver, qui sont son oncle Abbas et son fils Qutham ibn al-Abbas, et le cousin du prophète, Oussama Ali ibn Abi Talib, et le fils de Zayd ibn Haritha, Oussama ibn Zayd, et le serviteur du prophète, Shukran. Oussama et Shukran, ils versaient l'eau uniquement. Et les trois autres qu'on a cités, c'est eux qui faisaient le lavage. Et les trois sont de sa famille, alayhi salatu wassalam, contrairement aux deux autres. Son oncle, Abbas, et ses deux cousins, Qutham et Ali ibn Abi Talib. Et ça a été rapporté que Aous ibn Khawli, parmi l'Ansar, parmi les compagnons qui ont participé dans la bataille de Badr, également a aidé dans ce lavage. Quand ils ont lavé le prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont fini, ils l'ont mis dans trois vêtements blancs. Trois vêtements de laine, de coton blanc, de couleur blanche. Et ça, c'est le meilleur pour, comme linceul pour le mort. C'est d'utiliser des tissus de couleur blanche. Des tissus de couleur blanche. Et d'utiliser trois tissus. De le mettre dans le premier, et ensuite l'envelopper dans le premier, et ensuite de mettre le deuxième, et ensuite de mettre le troisième. Et il n'a pas été mis dans un khamis, ou on lui a pas mis non plus une imama, comme c'est pratiqué dans certains pays. Ça, c'est pas une sunna. Sunna, c'est uniquement ces trois morceaux de tissu, et elle est assez grande pour que chacun enveloppe la totalité du corps de couleur blanche. Ça, c'est la sunna et c'est le mieux. Après avoir mis le linceul, les musulmans ont commencé à venir prier sur le prophète alayhi sallam d'une manière individuelle. Et les premiers qui sont venus prier sur lui, c'était son oncle Abbas, et ensuite les Banu Hashim, sa famille, et ensuite les émigrés, les Muhajiroun, et ensuite l'Ansar, les Médinois, et ensuite le reste des gens. Et quand ils ont fini, yani avec les hommes, c'était autour des enfants. Et ensuite, c'était autour des femmes. Ils ont prié sur lui, alayhi salatu wassalam, chacun seul, d'une manière individuelle. Donc, il y a eu autant de prières sur lui que le nombre de ceux qui ont prié sur lui. Donc, il n'y a pas eu un imam dans la salat sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Et sur ce point, il y a unanimité entre les hommes de science. Il y a unanimité entre les hommes de science. Comme l'a cité l'imam Ibn Kathir lui-même, dans le Bidaya ou le Nihaya. Qu'il n'y a pas eu d'imam. Et que tous, ils ont prié sur lui, chacun à son tour. Donc, Nabi alayhi salatu wassalam, il est décédé le lundi. Dans la matinée, il a été enterré que le mardi. Il a été enterré que le mardi. Et ça a été rapporté qu'il a été enterré le mercredi. Ça a été rapporté qu'il a été enterré le mercredi. Alayhi salatu wassalam. Dans le même endroit où Allah Azza wa Jal a pris son âme. Dans le même endroit dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a pris son âme. Et ils lui ont fait un qabr, une tombe qu'on appelle al-lahd. C'est comme une forme de tiroir. C'est-à-dire, on creuse, on fait un trou d'abord, en profondeur, et ensuite, on va faire comme un tiroir, yani, dans le côté dans lequel on va placer le mort. Et ça, c'est la meilleure façon pour faire une tombe dans l'islam, et c'est la sunna, c'est la meilleure des façons, car de cette manière, la terre qui est au-dessus du corps, elle reste ferme. C'est pas une terre qui a été creusée et remise par la suite. C'est plus solide. Et il peut pas y avoir un animal féroce qui vient pour déterrer le mort et manger son cadavre. Ça s'appelle l'ahd. Et c'est ce qui a été fait pour Nabi Issa al-Salam. Et il y a une autre façon qui s'appelle shaq. Shaq, c'est on fait tout simplement un trou et on le met dedans. Ça, c'est autorisé aussi, mais la sunna est le mieux, c'est l'ahd. Et ce que l'imam Ibn Ishaq a rapporté, c'est que le Nabi Issa a été enterré le mercredi. Le mercredi. Et ça, c'est rapporté avec une chaîne de transmission bonne. C'est rapporté avec une chaîne de transmission bonne. Il a été enterré dans cette tombe qui a été creusée dans la maison de Aïcha radiallahu anha. Et Aïcha radiallahu anha a continué à habiter dans sa maison. Jusqu'à la mort de Abu Bakr Siddiq radiallahu anha, qui a été enterré également à côté du prophète Aïcha salam. Et quand Omar ibn al-Khattab est décédé radiallahu anha, il l'a enterré à côté de ses deux compagnons, le messager d'Allah et Abu Bakr Siddiq, et de, à partir de là, Aïcha radiallahu anha n'allait plus, est sortie de sa maison, et elle pouvait plus rester, car elle avait la pudeur vis-à-vis de Omar, car le prophète c'est son époux, et Abu Bakr c'est son père, mais Omar c'est un homme étranger pour elle. Et subhanallah, la pudeur qu'elle avait, la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, même mort, enterrée, elle est sortie de sa maison, radiallahu anha. Et c'est comme ça qu'ils sont aujourd'hui. Et l'imam Ibn Kathir, il dit que ça, c'est rapporté d'une manière authentique, qui a atteint le degré de tawatur. Et c'est comme ça qu'ils sont aujourd'hui, pour celui qui a rendu visite à la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc il y a d'autres points que j'aurais voulu citer, mais bidnillah, ce qui a été cité est suffisant, et nous demandons à Allah Azzawajal de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable, et de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables, de nous maintenir sur la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, et de nous maintenir également sur tawhid pur et purifié de toute forme associationnisme apparente ou cachée, majeure ou mineure, petite ou grande, et qui nous donne l'attachement à la salat, les 5 salawat quotidiennes, et l'attachement à la prière en groupe pour les hommes, et qui fasse de nous des bons maris et des bons époux pour nos épouses. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.